chemin tracé. Tout au bas, près de ses doigts, j'avancerai toujours à pas feutrés. Que j'ai toujours désiré. Des rivières coulent sur tes lèvres, l'amour se dessine dans tes yeux. Je n'ai plus peur de naître à tes mots. Tu m'as révélé l'être que je suis et que je serai bientôt. À peine une caresse et tue-moi tout après de l'étonnement et de l'ivresse de la vie. Toi que j'aime plus que tout. Ta douleur peine les gens entrevus, qu'un pur amour charme mon âme émue. Mais s'il fallait nous quitter pour jamais, quand je voudrais t'épargner ce dernier couplet. À peine une caresse, je le devine à son ivresse. Enveloppée dans tes bras, j'avance les yeux bandés. N'importe plus que le chemin tracé. Tout au bas de ses doigts, j'avancerai toujours pas feutré. Mon amour, pour ne pas te gêner, pour toi. Ta douleur à peine l'ai-je entrevue, qu'un pur amour charme mon âme émue. Mais s'il fallait tout quitter pour jamais, comme je voudrais épargner ce dernier couperet. Embrassé par toi.